Chapeau de paille, hi-yo. Elle a le regard canaille, hi-yo. Et tout en cambrant la taille, hi-yo. Elle entre dans la bataille, hi-yo. De beaux garçons pleins d'audace passent, l'enlacent, l'embrassent. Et dans les rues, il l'entraîne et dans ce soir, carnaval à Rio commence. Lequel gagnera la belle, hi-yo. Et son jupon de dentelle, hi-yo. Le sort de la jouvencelle, hi-yo. Se jouera dans la querelle, hi-yo. Les deux rivaux vont se mettre en garde. Que va-t-on voir, comédie ou drame? Quelquefois, carnaval à Rio s'enflamme. Mais les deux garçons très calmes, s'en vont s'asseoir sous les palmes, manche, il joue la belle et ses hanches au dé. Mais au Brésil comme ailleurs, les filles s'indignent, trépignent. Et pour deux garçons perdus, qu'importe, un troisième plus entreprenant l'emporte. Dessous son chapeau de paille, hi-yo. Deux cœurs amoureux tressaillent, hi-yo. Les autres là-bas qui baillent, hi-yo. Viendront à leur fiançailles, hi-yo.